1 500 francs et des habits à discrétion. En ce moment, le pauvre méridional ne douta plus de rien et descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune homme la possession d'une somme quelconque. À l'instant où l'argent se glisse dans la poche d'un étudiant, il se dresse en lui-même une colonne fantastique sur laquelle il s'appuie. Il marche mieux qu'auparavant. Il se sent un point d'appui pour son levier. Il a le regard plein, direct. Il a les mouvements agiles. La veille, humble et timide, il aurait reçu des coups. Le lendemain, il en donnerait à un premier ministre. Il se passe en lui des phénomènes inouïs. Il veut tout et peut tout. Il désire à tort et à travers. Il est gai, généreux, expansif. Enfin, l'oiseau, naguère sans ailes, a retrouvé son envergure. L'étudiant sans argent happe un brin de plaisir, comme un chien qui dérobe un os à travers 1000 périls. Il le casse, en suce la moelle et court encore. Mais le jeune homme, qui fait mouvoir dans son gousset quelques fugitives pièces d'or, déguste ses jouissances. Il les détaille, il s'y complaît, il se balance dans le ciel. Il ne sait plus ce que signifie le mot « misère ». Paris lui appartient tout entier. Âge où tout est luisant, où tout scintille et flambe. Âge de force joyeuse dont personne ne profite, ni l'homme, ni la femme. Âge des dettes et des vives craintes qui décuplent tous les plaisirs. Qui n'a pas pratiqué la rive gauche de la Seine, entre la rue Saint-Jacques et la rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie humaine. Ah, si les femmes de Paris savaient, se disait Rastignac, en dévorant les poires cuites à 1 liard la pièce, servie par Madame Vauquet, elles viendraient se faire aimer ici.